mariage et un chancier. Quand on s'en est béni, ça fait la disapète na yo. Kasi kofinanga peli sauté au salaka célibataire. Yeah.